الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Alors nous sommes aujourd'hui arrivés au 23e dars de cette série de leçons sur l'itqad de l'imam Suyuti. Nous arrivons à un sujet qui est en rapport avec le chapitre du Tadwin, notre chapitre de la compilation du Coran, à savoir la graphie du Coran, la graphie du Mushaf Uthmani, Rasm al-Uthmani. J'en ai parlé plusieurs reprises dans cette série de leçons et j'ai réfuté avec des preuves les propos des orientalistes et même de certains penseurs ou intellectuels musulmans selon lesquels la graphie faite par les compagnons était rudimentaire, le système graphique était incertain. J'ai réfuté ces allégations. Subhanallah, ceux qui ont écrit le Coran, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui les a désignés. Il ne les a désignés que parce qu'il sait qu'ils sont capables de remplir cette mission. Il les a loués et les a qualifiés de dignes de confiance. Amanat ummati, il les a qualifiés de dignes de confiance de sa communauté. Allah les a loués et a déclaré qu'il est satisfait d'eux. Radiallahu anhum. Ils écrivaient en présence du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il est loin de penser qu'ils pourraient commettre des erreurs d'écriture et la révélation les laisserait faire. S'ils n'avaient pas mis les points diacritiques et les signes des voyelles, ce n'est pas parce qu'ils étaient incapables d'inventer un système diacritique ou un système graphique, ou parce qu'ils avaient omis de le faire, ou par ignorance, ou pour une raison quelconque, mais pour ne pas rejeter les autres modes de formulation qu'ils ont entendus de la bouche du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Exemple, quand Allah subhanahu wa ta'ala dit « وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ نَغْفِرْ لَكُمْ » selon Asim, les deux riwayats Hafs et Shu'ba, et Hamza Zayyat aussi, on récite « نَغْفِرْ لَكُمْ » mais selon Nafi' et Abu Ja'far, « يُغْفَرْ لَكُمْ » يُغْفَرْ avec le « ya » et non pas avec le « nun » ou plus avec la « damma » et non pas avec la « fatha » et selon Ibn Amir, « تُغْفَرْ لَكُمْ » Donc s'ils avaient mis les points diacritiques et les voyelles sur Narfir, la fatha et le point haut pour le noun et la kasra sous le fa, ben, ils auraient condamné les autres ahraf, à savoir Turfar et Yurfar. D'accord? Pareil pour Maliki Yomiddin, Maliki Yomiddin. S'ils avaient écrit Maliki Yomiddin avec le alif, ben, ça y est, l'autre harf, Maliki Yawmiddin, serait oublié et négligé. D'accord? Donc c'est en dépouillant la graphie du système diacritique des voyelles de la Hamza, hein, la Hamza, parce que certains récitent Nabiyin et d'autres récitent Nabiyin, Huzua et d'autres récitent Huzua. Hein, d'accord? C'est en dépouillant la graphie du système des critiques de la Hamza, des voyelles, ben, s'ils l'ont fait, c'est pour maintenir la licence des Ahraf. La licence des Ahraf. Et c'est à partir de cette graphie qu'il y eut par la suite la Qira'at. La graphie uthmanienne comporte d'autres sagesses et ne cesse d'ailleurs de révéler ses secrets. Hein. Le alif qui est écrit sous forme d'un ya, hein, ils l'ont écrit comme par exemple dans Hawa, ils l'ont écrit de cette manière parce qu'à la base ce alif est un ya à l'origine. On dit hawaitu. Hein, et aussi pour respecter l'inclinaison, hein, l'inclinaison parce que certaines tribus font l'imala, font l'inclinaison. Hein, Quraysh ne fait pas l'inclinaison, mais les autres tribus font l'imala. Ils disent Hawi. D'accord? Ils font une certaine inclinaison, ils font pas le fatha comme chez les Quraysh qui disent Hawa, tout court, Hada, Aba. Et tout cela se fonde sur la transmission orale. C'est le tawatur. La multiplicité des témoignages concordants, la multiplicité des lectures concordantes qui fixe la lecture. Hein? Dans Surat al-Baqarah, Allah subhanahu wa ta'ala dit « Yakadu al-barqu yakhtafu abasarahum » l'éclair, les aveugles, dans le début de sourate al-Baqara, yakadu al-barqu, là, ça parle des hypocrites, yakadu al-barqu yakhtafu absarahum, yakhtafu. Ce n'est pas comme pensent les orientalistes que les Qurra ont lu à leur manière, hein, étant donné que la graphie le permet, ils peuvent lire à leur manière. Non, non, c'est pas comme ça qu'ils ont fait. Hein. Comme par exemple, Hunalika tablou kullu nafsin ma aslafat, ils l'ont lu tablou et tatlou parce que la graphie le permet. Ce n'est pas parce qu'ils ont reçu ça de la bouche du prophète. Non, non, c'est pas comme ça. Non. Yakadu al-barq yakhtafu absarahum, yakhtafu avec la fatha. Avec la fatha, yakhtafu, yakhtafu. Et personne, aucun des Qur'an n'a récité yakhtafu. Alors que yakhtafu, ça existe en langue arabe. Pourquoi ils n'ont pas fait le jihad et ils l'ont récité de cette manière? Ils n'ont pas mis la kasra au lieu de la fatha, yakhtafu, ils n'ont pas récité yakhtafu. Hein, pourquoi? Parce que ils n'ont pas reçu le harf yakhtafu de la bouche de Shuyur. C'est la chaîne de transmission, c'est l'isnad qui compte. Hein. Bon, j'ai parlé brièvement des règles dans les cours précédents. J'ai parlé des règles que le comité censeur a suivies dans son procédé graphique. Le comité Zayd ibn Thabit, Saïd ibn al-As et d'autres sous la direction, sous le califat de Uthman radiallahu anhu. Comment ils ont procédé? Ben, j'ai dit qu'ils ont fait, la suppression, l'ajout, la permutation. Il y a, je pense, six règles qu'ils ont suivies dans leur procédé, dans la graphie qu'ils ont établie. La suppression, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ben, la suppression, ils ont supprimé certains alifs, certains waw, certains noun, certains ya, le alif de l'invocatif ya par exemple, ya ayyuhan nas, le ya, ils ont enlevé ce alif là quand il s'agit du ya nida, ou dans par exemple ha tanbih, ha antum, le alif qui vient après le ha, ils l'ont enlevé parce que le son, déjà, en regardant la graphie, on comprend qu'il y a un alif, de toute façon. Et donc, par souci de brièveté, pour d'autres raisons, ils ont enlevé le alif. Comme ilah, par exemple. Ilah, ils ont enlevé le alif entre le lam et le ha, parce que tout le monde sait que, de toute façon, quand on voit la graphie, c'est ilah. Rahman, pareil. Subhan, et le Rahman, entre le mim et le noun, ils ont enlevé le alif. L'exemple du pluriel, le pluriel féminin régulier, le mu'minat, entre le nun et le ta, ils ont enlevé le alif, hein, sa'imat, qanitat, tout ce qui est adapté, ou tout ce qui repose, ou tout ce qui est structuré, selon ce schéma-là, ben, ils ont enlevé le alif. Mouminat, sabirat, qanitat, at, ce at, le alif de at, ils l'ont enlevé. Non. Et même aussi pour les noms qui sont construits sur le schéma mafa'il, comme masajid, masajid, entre le sin et le jim, ils ont enlevé le alif. L'IA, par exemple, ils ont enlevé le ya qui est à la fin de certains noms. Bari, ils ont dit ghayra barin, barin wala adin. Faman ittarra ghayra barin wala adin, normalement à la base, dans son emploi en langue arabe, on dit bari, adi. D'accord? Mais eux, ils ont enlevé ce ya qui est à la fin. De même, par exemple, le ya qui est le possessif, hein, suffixe. وأطيعوني ils ont marqué وأطيعون فأيايا فرهبون alors qu'à la base فأيايا فرهبوني ce ya qui est le suffixe qui est à la fin du mot et qui désigne le possessif, hein, وأطيعوني adorez-moi, si on veut le traduire, le ya traduit le moi, hein, واتقوني فأرسلون فأرسلوني فعبدوني, non, eux ils ont mis وأطيعون واتقون وخافون فارهبون فأرسلون فعبدون, Ils ont enlevé ce yé-là, sauf il y a bien sûr des exceptions. Ils ont enlevé le waou. Quand deux waou se rencontrent, ils enlèvent le deuxième. Par exemple, la yastaoun, il y a deux waou. Ils ont enlevé le deuxième. Hein? Faou, il y a deux waou. Ils ont enlevé le deuxième. D'accord? Le lam, quand il y a idgham, il y a élision. Quand il y a élision entre deux lam, ben, il enlève le deuxième. Par exemple, al-layl, il y a alif et le lam, et le deuxième lam, le ya et le lam. Ça, c'est dans l'orthographe usuelle. Mais dans l'orthographe coranique, al-layl, ça, c'est marqué alif lam avec la shadda au-dessus, et le ya et le lam. Il n'y a pas le deuxième lam, d'accord? Bien sûr, il y a des exceptions aussi à cette règle-là. Il y a des exceptions à cette règle-là. Ils ont procédé aussi par ajout. Donc, suppression, ajout. Oui, je vais rappeler une chose sur la suppression. Par exemple, ils ont enlevé le waou dans certains versets, comme Wayad'u l'insanu dans Sourate l'Isra, Wayad'u l'insanu bishr du'a'ahu bil khayr, Wayad'u. Ils ont enlevé ce waou-là. Qui est à la fin. Le verbe da'a, c'est un fi'l naqis, et quand il est conjugué au présent, normalement il doit se terminer avec un waw. Eux, ils ont enlevé ce waw-là. Yad'u l'insanu dans Sourate l'Isra. Yamhu Allahu l'batil. Ils ont enlevé le waw qui est dans Yamhu. Yad'u d'da'i. Sanad'u z'zabaniya dans Sourate l'Alaq. Ils ont enlevé le waw qui est à la fin. Hein. Ils ont procédé aussi par ajout, comme j'ai dit. Bon, le par ajout, c'est dans certains noms pluriels, comme Moulaqou Rabbihim, après le waou, ils ont ajouté le alif. Hein? Banu Israël, Banu, ils ont ajouté le alif dans certains noms pluriels, dans certains verbes aussi. Qalou, après le waou, ils ont ajouté le alif. Ils ont ajouté le alif aussi dans le nom mi'a, mi'atayn. Mais ça, même dans l'orthographe usuelle, on marque mi'a, on met mim, alif, et après la hamza sur le ya et le ta. D'accord? Donc, ils ont procédé par ajout. L'ajout, et puis d'autres règles, le waou, ils ont ajouté le waou dans Ulul Albab, Oulaik, vous savez, Oulaik, il y a le alif avec le hamza dessus, puis le waou, et puis le lam. Hein? Bien qu'on ne prononce pas, on ne prolonge pas la hamza de Oulaik, on dit pas Oulaik, mais on dit Oulaik, ils ont mis le waou. Pour dire que, attention, la hamza qui est derrière se prononce O et non pas A et non pas I. D'accord? Il y a toujours des sagesses derrière ces procédés-là, ces procédés graphiques. En ce qui concerne l'autre règle, la hamza, les règles de la hamza. Ben, les règles de la hamza sont très, très, très diverses. Il est long de les détailler, mais. Je vais dire, en résumé, la hamza, si c'est une hamza qui porte le sukun et qu'il y a derrière elle une lettre avec une haraka, ben elle prend, c'est-à-dire elle s'écrit à la manière de la voyelle qui la précède. Elle s'écrit à la manière de la voyelle qui la précède. Par exemple, i'zen, i'zen, ben il y a i et puis il y a la hamza. Et puis le zel et le nun. Mais puisqu'il y a le i, la hamza qui porte le sukun après, elle se marque, elle s'écrit sous forme d'un ya. Elle s'écrit sous forme d'un ya. Et donc, then, la hamza qui porte le sukun s'écrit sous forme d'un ya. Ils ont marqué alif, ils ont marqué ya et le zel et le nun. Le ya, il t'indique, il te dit, attention, ici c'est une hamza, mais. On a mis le ya pour te dire que derrière elle, il y a la kasra. Ou par exemple, otomina. Puisqu'il y a o avec la dhamma, bah, la hamza qui est venue après, qui porte le sukun, ils ont marqué à la place le waou. Ils ont marqué à la place le waou. Donc c'est otomina. Et même certains qurra lisent comme ça. Mais Hafs, par exemple, il récite otomina. Et ce o, Utumina, c'est Hamza qui porte le sukun, elle est écrite sur le waw. Et dans la gravure othmanienne, c'est le waw qui est écrit, puisqu'il n'y a pas de Hamza dans le mushaf, l'imam mushaf othman. Al-Ba'sa, par exemple. Al-Ba'sa, il y a Alif Lam, et puis le ba avec la fatha, et puis la Hamza. La Hamza qui porte le sukun, puisque c'est une Hamza qui porte le sukun, et derrière elle, il y a la fatha, ils ont mis la Hamza qui porte le sukun sur le alif. Parce que le alif, c'est une représentation de la fatha. Hein. C'est bon, c'est une prolongation de la fatha. D'accord? Donc, ça, c'est les règles concernant la Hamza. Bon, il y a beaucoup d'autres règles hein, sur la Hamza. Il y a la permutation comme autre règle. C'est ce qu'on appelle le bedel. Ça veut dire que le alif à la place du ya. Certains alifs s'écrivent à la place ou certaines ya à la place du alif, comme hawa, comme je vous ai dit tout à l'heure. Et comme par exemple, fatadella, ça se prononce dalla, mais ça s'écrit avec un ya à la fin. Et c'est ce qu'on appelle hein, al-badal, la permutation. La permutation. Le alif peut s'écrire aussi sous forme d'un waw pour montrer, pour emphatiser, pour montrer la valeur du mot, comme par exemple salat. Salat, ça s'écrit sad, lam, le alif s'écrit sous forme d'un waw. On met sad, lam, waw et ta. Zakat aussi, hayat aussi. Il y a des exceptions à cette règle. Mais là, pour montrer que on met le waw aussi pour avertir qu'on ne doit pas faire l'imala, l'inclinaison dans ce mot-là, et en même temps pour l'emphatiser, même dans la prononciation. Chez Warsh, par exemple, il dit salah parce qu'il emphatise le lam. Il emphatise le lam puisque derrière le lam, il y a un sad, min huruf al-isti'la. C'est un sad emphatisé. Et c'est pour cette raison qu'ils ont mis le waw. Et en même temps, pour montrer la valeur du nom, puisque le salat, c'est l'un des piliers de l'islam, il convient de mettre à la place du alif le waw. D'accord? D'autres exemples de la permutation, c'est le alif à la place du suffixe intensif noun. Noun tawkid al-khafifa. Noun, le suffixe intensif, vous savez, on dit par exemple la tadhaban, la taqoulan. Ce noun là, c'est un intensif. Un intensif plus fort, la tadhabanna. Là, c'est quasiment un serment. C'est-à-dire que je jure que tu dois partir. La tadhabanna. Le noun, c'est un intensif qui peut être, c'est-à-dire l'un tawkid shadida, ou avec la shadda, ou tawkid l'khafifa, la tadhaban tout court. La tadhaban, ce noun-là, dans le Coran, parfois on l'écrit sous forme d'un alif. Exemple, dans Sourate l'Alaq. Dans Sourate l'Alaq. Dans Sourate l'Alaq, on lit la nasfa'an bin nasiya. La nasfa'an, ça s'écrit normalement, si, comme ça se prononce, c'est avec noun à la fin. Parce que c'est un noun. C'est un suffixe intensif. Mais ils n'ont pas marqué le noun. Ils ont marqué le alif. Donc c'est le lam, le noun, le sin, le fa, le a et la nasfa'a. Si on veut s'arrêter. La nasfa'a bin nasiya. La nasfa'an bin nasiya. Ils ont mis le alif à la place du noun. Et comme dans sourate Yusuf, la illam yaf'al ma amuruhu, la yusjananna. ولا يكون من الصاغرين لا يسجنن صصت انتوصيف كلير نون التوكيد الشديده لا يسجنن على فان النون الشده مي لا سويت لو فير لوتر فيرب لا يكون ولا يكون سي ماركي ولا يكون دون لا غرافي ولا يكون ولا يكون ها سي الالف افيك لو تنوين افيك تنوين دو لا فتحه مي على باز سي ان نون سي ان سوفيكس انتوصيف ليجي ولا يكون من الصاغرين d'accord le ta par exemple le ta de rahma rahmatun le ta c'est un ta bouclé c'est une lettre en forme de boucle avec deux points dessus on dit rahmatullah avec mais parfois Ça s'écrit avec ta mabsouta, une ta étendue. Le ta que vous connaissez, le ta, comme dans le sourate al-Baqarah, Oulaika alayhim salawatum min rabbihim wa rahma, ça c'est une ta en forme de boucle. Mais dans un autre verset, Oulaika arjuna rahmatallah, dans sourate al-Baqarah aussi, rahmatallah, rahma ici, c'est marqué ta étendue. Et non pas le T en forme de boucle. Inna rahmatallahi qaribu min al-muhsin dans surat al-Araf. Rahma ici, c'est marqué avec un ta qui est long. Un ta qui est le ta ordinaire qu'on connaît, non pas le ta en forme et non pas le ta en forme de boucle. De même pour imra'a. Imra'a. Imra'a, normalement, c'est le alif, le mim, le ra, et puis vous avez la hamza, hamzat al-qat, hamza, le alif et le hamza dessus, et puis vous avez par la suite le ta en forme de boucle, n'est-ce pas? Vous avez le ta en forme de boucle. Mais dans certains versets, ça s'écrit ta étendu. Wa in imra'atun, pardon, wa id qalat imra'atu imrana, id qalat imra'atu imrana dans surat al-imran. Le ta, il est un ta étendu, non pas un ta en forme de boucle. D'accord? In imra'atun khafat min ba'liha nushuzan aw i'radan dans sourate an-nisa, c'est un ta en forme de boucle. Donc parfois il est écrit en forme de ta marbota, ta en forme de boucle, parfois il est écrit en ta normal que vous connaissez, le ta étendu. Quelles sont les sagesses derrière ce changement de graphie? C'est vrai que certains savants ont parlé de ces sagesses-là, comme Ibn al-Banna al-Murraqushi, qui est mort vers la fin du 8e siècle, enfin la moitié, les 750 de l'Hégire. Ibn al-Banna al-Murraqushi, il a parlé des sagesses que recèle cette graphie-là dans son livre. Dans son livre, je ne me rappelle pas de son nom, Unwan Dalil. Unwan Dalil, min marsoumi khatti at-tanzil. Unwan Dalil, marsoumi khatti at-tanzil. Il a parlé de certaines sagesses. Et Suyuti, rahmallah, il a cité certaines de ses interprétations. Par exemple, Imra'atu avec T étendu, il dit quand Imra'a est lié à un nom. Comme par exemple, Mra'atu Imran, Mra'atu Pharaon, Mra'atu Lot, c'est marqué avec T étendu, il dit parce que, étendu, parce qu'il y a un lien entre la femme et son mari. Il y a un lien d'affection entre la femme et son mari, et il convient de ne pas boucler le ta et de l'étendre comme quoi il y a un lien entre les deux. Donc il a donné certains, il a expliqué certaines subtilités, sorti certaines subtilités de ce genre. Comme par exemple, yad'u l'insan bi sharri du'a'ahu bil khair, yad'u, c'est yad'u l'insan, normalement yad'u, ça doit se terminer par un waw. C'est un fi'l naqis, yad'u, c'est un fi'l mudari' naqis, il doit s'écrire avec un waw à la fin. Il n'y a pas de alat, il n'y a pas de harf jazm derrière, il n'y a pas lam pour dire lam yad'u. Et donc on enlève le waw, non. Il n'y a aucune raison d'enlever ce waw là, yad'u. Mais là, il a, dans le Coran, le comité censeur l'a enlevé. Il a expliqué ça, il a dit le waw sans le waw, c'est que c'est un sens, c'est. L'enlèvement du waw, ça explique, ça veut dire qu'il y a la facilité et la promptitude avec laquelle l'homme invoque le mal contre lui. Dans ce verset, وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ, l'homme appelle de ses voeux le mal comme il appelle le bien. Il dit cette promptitude, cette rapidité avec et la facilité avec laquelle l'homme invoque le mal contre lui, ça implique... C'est-à-dire, il convient que dans la graphie, on enlève le waw, on enlève le waw pour raccourcir le verbe et pour lancer un message, à savoir que l'homme est prompt à invoquer le mal contre lui-même. Donc, il y a des subtilités qu'il a sorties de ce genre. وَيَمْحُ اللَّهُ الْبَاطِلِ. Yamhu, normalement, yamhu, c'est avec le waw à la fin. Mais dans ce verset, yamhu, c'est sans le waouh, yamhou sans le waouh, yamhou sans le waouh dans ce verset, dans le verset de la sourate Shura. Allah efface le faux et impose la vérité. Yamhou Allah le batil wa yuhiqu al haqq bi kalimatihi. Le comité censeur a enlevé le waouh. Le secret, c'est que le faux, pour te dire que le faux se dissipe très vite. Donc il se dissipe très vite. Qu'il ne faut pas mettre, ajouter le waouh et prolonger yamhou. Si on dit yamhou Allahu al-batil, ça veut dire qu'on prolonge et donc l'action est longue de l'effacement du faux. Non, il faut enlever le waouh pour dire que c'est rapide. Allah efface rapidement le faux. Il efface tellement rapidement le faux qu'il a effacé le waouh juste devant. Donc il y a des subtilités dans ce. Il est captivant son livre, passionnant quand on le lit, sur l'explication de ce genre de choses. Alors, nous avons cité comme règle la permutation, la suppression, l'ajout, la hamza, nous avons parlé. Et puis, il y a le wasl ou le fasl, la jonction et la disjonction. C'est quoi le wasl ou le fasl? La jonction et la disjonction. La particule, par exemple, an, suivi de la négation la, le comité censeur les a joints ensemble. Allah, sans le noun. Hein? Sauf dans 10 endroits du Coran où elles sont séparées. Et c'est pour ça que vous lisez souvent Allah sans le noun. Hein? D'ailleurs, il y a idram complet. Allah, ils ne mettent pas le noun. Hein? Sauf dans 10 endroits du Coran, par exemple dans Surat Al-A'raf, Haqiqun an la aqula 'ala Allah illa al-haq, là ils ont mis le noun. An s'écrit avec le noun ici. D'accord? Mimma, par exemple, normalement c'est min et ma. Mais là ça devient mimma, c'est-à-dire ils sont liés, c'est-à-dire les lettres sont, il y a le mim et puis le deuxième, le mim avec la kasra en bas et puis le deuxième mim avec là, avec la fatha et la shadda, et puis le alif mimma. Mais à la base, c'est min ma. Min ma. Dans tout le Coran, c'est écrit comme ça, sauf dans la sourate Nisa. Famimma malakat aymanukum min fatayatikum al-mu'miniyat. Là, il y a nun. Famin ma. Mais on fait l'idram, bien sûr, on ne prononce pas le nun, on fait la runa mimma. Et dans la sourate Ar-Rum, darab Allah lakum mathalan min anfusikum hal lakum min ma malakat aymanukum min ma, là c'est min et ma séparé. Et aussi dans sourate Al-Munafiqin, mimma wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an yati ahadukum al-maut, là ils ont min ma séparé. Mais dans d'autres ils sont liés. Fi ma aussi, il y a fi, le génitif fi et ma juste après. Amman, amman, c'est la base an, et puis man. Amma, c'est la base an, et puis ma. Ils ont fait la jonction. Imma aussi, in ma. Imma, le nun et le mim sont liés. Kullama, ils ont lié aussi le kulla avec ma. Kullama, sauf dans surat Nisa où li kullama ruddu ila fitnati urkisu fiha, ils ont séparé entre kull et ma. D'accord? Donc ça, ce sont les règles. Rubbama, ni'imma, sont liés alors qu'à la base ils doivent être séparés. Comme autre règle qu'ils ont appliquée, bon, on a dit la permutation, la suppression, l'ajout, les ahkam de la hamza et tout. Comme autre règle, c'est que quand un mot se lit selon deux ou plusieurs ahruf, ils l'ont écrit selon un seul harf. Comme par exemple, Maliki Yawmiddin à la place de Maliki Yawmiddin. D'accord? Ou comme par exemple, Yakhda'oun à la place de Yukhadi'oun. Wa'adna, d'accord. Donc, quand un mot s'écrit de plusieurs manières, se récite de plusieurs manières selon différents ahruf, selon différentes qira'at, bon, ils l'ont écrit selon un seul harf. Bon, voilà en résumé les règles qui ont été appliquées par les compagnons radiallahu anhum, hein, qui formaient le comité censeur dans leur écriture du Mus'haf l'imam. Il y a eu plusieurs choubouhats sur le rasm. Les ennemis de l'islam, les détracteurs de l'islam, les chiites, ils ont émis beaucoup de choubouhats là-dessus pour faire douter de l'authenticité du Coran, de l'origine divine du Coran, ou pour attaquer Othman radiallahu anhu, quand il s'agit des chiites et tout. Il y a eu une choubha, une ambiguïté sur le comité censeur. Ils ont dit que, bon, lorsque le comité termina d'écrire le mushaf et le présenta à Othman, Othman dit, c'est parfait et c'est beau ce que vous avez fait, ce que vous avez fait. Il y a cependant dans le Coran des erreurs d'orthographe que les Arabes finiront par rectifier par leur langue. Il a dit Ahsantum wa ajmaltum, inna fil Quran lahnan satuqimuhu al-arabu bi alsinatiha. Et ça, c'est une tradition, c'est un récit qu'ils attribuent à Othman. Autre récit, ils disent que Ikrimah, il rapporte que quand les mushafs furent présentés à Othman, il y constata des erreurs d'orthographe et il dit ne les corrigez pas, les Arabes les corrigeront. Si celui qui écrivait était de Taqif, c'est-à-dire de la tribu de Taqif, et celui qui dictait était de la tribu de Hudayl, il n'aurait pas eu ce genre d'erreur. Allah tughayyiruha fa inna al-arab satughayyiruha law kana al-katib min Thaqif wal mumli min Hudayl lam tujad fihi hadhihi al-huruf. Ces riwayat se trouvent dans Kitab al-Masahif d'Ibn Abi Daoud, c'est le fils d'Abu Daoud, dans Kanz al-Ummal de l'Hindi, dans Tariq al-Madina d'Ibn Shabba, dans le Tafsir d'Al-Baghawi, le Tafsir de Sam'ani, dans les livres du Tafsir en général, et les livres d'histoire, Tariq l'Islam, de Zahabi, Sir A'lam Nubala, aussi de Zahabi, et dans d'autres livres. Et bon, les détracteurs d'islam s'en sont servis de ces riwayats pour attaquer l'islam, comme j'ai dit, et les chiites aussi pour attaquer Othman. Ces récits sont faussement attribués à Othman. Ils sont réfutables, que ce soit du point de vue de leur contenu, ou du point de vue de leur isnad, leur chaîne de transmission n'est pas sûre. Elle comporte des lacunes et des interruptions. La deuxième version, par exemple, c'est celle de Ikrimah, dont la chaîne remonte à Ikrimah, l'affranchi d'Ibn Abbas. Il n'est pas authentique parce que déjà, les biographes disent que Ikrimah n'a pas vu Othman, et comme a dit Abu Amr Dani, rahmallah, dans son livre Al-Muqni', il a dit non pas Ikrimah n'a pas rencontré Othman et donc on peut pas dire qu'il a entendu dire cette parole-là. Et pareil pour les chaînes de transmission qui remontent à Yahya ibn Amr, qui lui aussi n'a pas vu Othman. Donc il y a des lacunes, des interruptions dans ces chaînes de transmission. Et les autres chaînes, pareil, et ils comportent beaucoup de lacunes, comme le soutient l'imam al-Bukhari dans Kitab dans Tariq al-Kabir. Et le Baqillani aussi dans l'Intisar du Coran. Et le Suyuti, rahimahullah, il a cité ce athar, il a cité ces propos-là, ces propos attribués à Othman, et d'autres propos attribués à d'autres compagnons qui font penser qu'il y a des erreurs syntaxiques dans le Coran. Il a cité ça dans son 42e chapitre de l'Itqan. Il a dit, وهذه, il a dit, وهذه الآثار مشكلة جدا. Ces athars sont très problématiques, il a dit. Puis il a dit, وكيف يظن بالصحابة أولا أنهم يلحنون في الكلام فضلا عن القرآن. Il a dit, comment imagine-t-on que les compagnons puissent commettre des erreurs de prononciation dans la langue arabe et a fortiori dans le Coran? وهم الفصحاء اللد. Il a dit, alors qu'ils sont les maîtres en éloquence. C'est des Arabes, c'est des Qurayshites purs. ثم كيف يظن بهم ثانيا في القرآن الذي تلقوه من النبي صلى الله عليه وسلم كما أنزل وحفظوه وضبطوه واتقوه. Comment il a dit, كيف يظن بهم ثانيا. Et deuxièmement, comment peut-on imaginer qu'ils ont commis des erreurs dans le Coran qu'ils ont reçues de la bouche du prophète sallam comme il a été révélé. Et ils l'ont mémorisé, ils l'ont retenu tel qu'ils l'ont reçu de la bouche du prophète sallam. Et ils ont été exacts dans la prononciation de ce mot et dans sa mémorisation. Donc, aucune erreur de prononciation, aucune erreur dans la syntaxe des énonciés, dans l'erreur dans la terminaison des mots, au lieu de dire Allaha, ils ont dit Allahi, ou disons des erreurs de ce genre. Ils ont été scrupuleux dans la mémorisation du Coran qu'ils ont reçu de la bouche du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Thumma kayfa yuzannu bihim thalithan? اجتماعهم كلهم على الخطأ وكتابته. Il dit comment imaginer, troisièmement, qu'ils se sont tous réunis, qu'ils se sont tous eu d'accord sur les mêmes erreurs. Et ils ont tous commis la même erreur, soit de prononciation ou dans l'écriture. Un seul d'accord ou deux, même si c'est loin d'imaginer qu'un seul des compagnons puisse commettre des erreurs d'écriture ou de prononciation. Il dit comment se fait-il que tous commettent la même erreur, que ce soit de prononciation ou de son écriture ou kitabati. ثم كيف يظن بهم رابعا عدم تنبههم ورجوعهم عنه. Il dit quatrièmement, comment peut-on imaginer qu'ils n'ont pas que personne n'a été attentif à son erreur et que personne n'est revenu sur son erreur. ثم كيف يظن بعثمان أنه ينهى عن تغييره؟ Et de comment imaginer que Uthman interdit de corriger l'erreur? Il dit il y a lahn, il dit non non ne le changerez ne le changez pas. ثم كيف يظن أن القراءة استمرت على مقتضى ذلك الخطأ وهو مروي بالتواتر خلفا عن سلف. Il dit comment imaginer que la qiraa puisse se perpétuer sur cette erreur-là, alors qu'elle est rapportée selon plusieurs compagnons et transmise à leurs disciples, lesquels les transmettent à leurs disciples. C'est-à-dire, il y a tawatur. C'est-à-dire, il faut des témoignages concordants sur une même erreur. Et ils transmettent l'erreur à leurs successeurs. Et bon, il est loin d'imaginer ce genre de choses. Que le fait que l'erreur se perpétue, que personne n'intervienne et ne dise attention, c'est une erreur de prononciation, une erreur d'écriture. Ou qu'il ne la corrige pas. Il dit, on ne peut pas imaginer une telle chose. Il a dit, enfin, هذا مما يستحيل عقلا وشرعا وعادة. Il a dit, ça c'est impossible, que ce soit du point de vue de la raison, là, par l'esprit, la raison, et du point de vue religieux, shar'an, et du point de vue de l'habitude, de la réalité des choses. Impossible qu'il y ait collusion sur une même erreur, ou qu'il se transmettait la même erreur et personne ne réagisse. Ou que Uthman dise que écoutez, ne le corrigez pas, sans que personne n'intervienne, dit attention, non, il s'agit du Coran. Et puis, Suyuti, rahimahullah, il a cité les propos d'Ibn al-Anbari dans son livre Ar-Radd ala man khalafa Mus'haf Uthman, réfutation de celui qui a contredit le Mus'haf de Uthman. Il a dit à propos les propos de Suyuti, il a dit Ibn al-Anbari fi kitab Ar-Radd ala man khalafa Mus'haf Uthman fi al-ahadith al-marwiyati an Uthman fi zalik. Il a dit ça c'est la réponse, quelle est la réponse d'Ibn al-Anbari sur les hadiths, les propos qui ont été rapportés, qui ont été attribués à Uthman à ce sujet-là. Et il a dit, Ibn al-Anbari, « La taqoumu biha hujjatun li annaha munqata'atun ghayra muttasila. » Il n'y a pas, on ne peut pas fonder là-dessus un argument probant, parce que ces riwayat, li annaha riwayat, munqata'a ghayra muttasila. Il a dit, c'est-à-dire, ils sont rapportés selon des chaînes qui comportent des lacunes, qui comportent des interruptions, et qui, il n'y a pas de continuité, c'est-à-dire, il n'y a pas de continuité de rapporteur. Chacun rapporte de rapporteur qu'il a rencontré. Donc, il y a interruption. Il a dit, وَمَا يَشْهَدُ عَقْلٌ. Aucune personne dotée de raison, n'importe quel homme intelligent, وَمَا يَشْهَدُ عَقْلٌ بِأَنَّ عُثْمَانَ وهو إمام الأمة الذي هو إمام الناس في وقته وقدوتهم يجمعهم على المصحف الذي هو الإمام فيتبين فيه خللا ويشاهد في خطه زللا فلا يصلحه. Il a dit, on ne peut pas, quelqu'un doté d'un brin de raison ne peut pas dire, témoigner qu'Othman, qui est l'imam de la communauté, l'imam des gens de son époque, leur guide, on ne peut pas imaginer qu'il les réunisse autour d'un mushaf qui est l'imam, qui est en soi l'imam, parce qu'on appelle les mushaf de Othman, l'imam, l'archétype. Et puis il dit, فَيَتَبَيَّنُ فِيهِ خَطَأً وَيُشَاهِدُ فِي خَطَهِ زَلَلٍ. Et puis Othman, il s'assure en toute évidence qu'il y a une défaillance, qu'il y a une erreur, qu'il y a un barbarisme, et qu'il constate qu'il y a une erreur d'orthographe, وَيُشَاهِدُ فِي خَطَهِ زَلَلًا. Dans la graphie, il constate une erreur et il ne le corrige pas. Quelqu'un qui a un brin de raison ne peut pas concevoir une telle chose. Puis il a dit, Kalla wallah, Ibn al-Propos d'Ibn al-Adbari, Kalla wallahi ma yatawahamu alayhi hadha, Kalla wallahi ma yatawahamu alayhi hadha dhu insafin wa tamiz. Il a dit, non, par Allah. Il a dit, quelqu'un qui est doté, qui est quelqu'un qui est équitable et qui arrive à distinguer le faux du vrai, non, il ne peut pas tomber dans ce genre d'erreur, de commettre ce genre d'erreur d'appréciation. وَلَا يُعْتَقَدُ أَنَّهُ أَخَّرَ. C'est-à-dire, quelqu'un qui est équitable ne peut pas penser une telle chose de Uthman. كَلَّا وَاللَّهِ مَا يَتُوهَمُ عَلَيْهِ هَذَا ذُو إِنصَافٍ وَتَمِيزٍ. وَلَا يُعْتَقَدُ أَنَّهُ أَخَّرَ الْخَطَأَ فِي الْكِتَابِ لِيُصْلِحَهُ مَنْ بَعْدَ. Il a dit, on ne peut pas croire qu'il a remis à plus tard ou il a retardé la correction de l'erreur dans le livre, dans le mushaf, en attendant que quelqu'un viendra après lui et le corrige. وسبيل الجائين من بعده البناء على رسمه والوقوف عند حكمه. Il a dit, et ceux, ses successeurs, ceux qui viendront après lui, leur méthode, leur conduite, c'est quoi? C'est qu'ils vont se fonder sur son rasme, sur sa graphie, et ils vont se baser sur l'ahkam qui découle de ses de la graphie uthmanienne. ومن زعم أن عثمان أراد بقوله أرى فيه لحنا أرى في خطه لحنا إذا أقمناه بألسنتنا كان لحن الخط غير مفسد ولا محرف من جهة تحريف الألفاظ وإفساد الإعراب فقد أبطل ولم يصب. Il a dit, et celui qui prétend que Othman veut dire par sa parole j'y constate un lahn, ça veut dire erreur ou barbarisme. J'y constate un lahn, c'est-à-dire que Othman veut dire par là que je vois dans son écriture des erreurs qui, corrigées par notre langue, n'aura aucun effet corrupteur ou falsificateur, c'est-à-dire falsification des vocables et corruption de la syntaxe des énonciels. يعني ولا محرف من جهة تحريف الألفاظ وإفساد الإعراب, c'est-à-dire une falsification dans la désinence, c'est-à-dire puisque dans la langue arabe tout se base sur les terminaisons, hein, au lieu de dire Allahu il dit Allahi ou Allaha, au lieu de la fatha il dit la kasra, où il mélange les voyelles. Il dit ومن زعم أن عثمان أراد بقوله أرى فيه لحنا أرى في خطه لحنا إذا أقمناه بألسنتنا كان لحن الخط غير مفسد ولا محرف من جهة تحريف الألفاظ وإفساد الإعراب. يعني celui qui prétend que Othman veut dire par sa parole j'y constate un lahn, c'est-à-dire que je vois dans son écriture des erreurs qui, corrigées par notre langue, n'aura aucun effet corrupteur ou falsificateur, c'est-à-dire falsification des vocables et corruption de la syntaxe des énonciels et arabes, celui-là, il a dit فقد أبطل ولم يصب. Il a dit, celui-là dit n'importe quoi et il se trompe. لأن الخط مبني عن النطق. Car l'écriture représente, traduit ce qu'on prononce. مبني على نطقه فمن لحن في كتبه فهو لاحن في نطقه celui qui commet une erreur d'écriture commet par là une erreur de prononciation et de lecture ولم يكن عثمان ليؤخر فسادا في هجاء القرآن في هجاء ألفاظ القرآن من جهة كتب ولا نطق il a dit عثمان ne saurait retarder une erreur de prononciation ou d'écriture des mots du Coran et il a réfuté il a fait d'autres réfutations cité d'autres textes qui prouvent l'inanité et la fausseté de cette tradition c'est-à-dire qu'on l'a faussement attribué à Uthman radiyallahu ta'ala anhu puis Suyuti bon il a cité ces propos là et puis il a mentionné une riwaya un récit d'Ibn Ashta avec sa chaîne de rapporteur qui va de Muhammad ibn Yaqub, Anba'ana Abu Daoud, Suleyman ibn Ash'at, jusqu'à Abdil A'la ibn Abdillah ibn Amir. Abdul A'la ibn Abdillah ibn Amir a dit Lamma furiga min al mushaf utiya bihi. Uthman fanazara fi quand on a terminé l'écriture du mushaf on l'a porté à Uthman qui jeta un regard dessus et il a dit faqala ahsantum wa ajmaltum il a dit vous avez c'est parfait et c'est beau ce que vous avez fait ara shay'an sanuqimuhu bi alsinatina il a dit j'y vois des choses que nous corrigerons par selon notre langue et puis Suyuti il a dit fait هذا الاثر il a dit ce propos là لا اشكال فيه وبه يتضح معنى ما تقدم il a dit ce اثر là ce récit là il y a aucun problème là ça ne pose aucun problème et il éclaircit le sens de ce qui précède il a dit فكأنه عرض عليه عقب الفراغ من كتابته il a dit Suyuti il explique il a dit c'est comme si on a présenté le mushaf à Uthman après qu'on ait terminé son écriture et il a vu des choses qui ont été écrites selon une autre langue que celle de Quraysh comme il leur est arrivé dans l'histoire du tabou et du tabout parce que bon c'est que Zayd ibn Thabit il y eut une discussion avec les scribes avec le comité censeur sur l'écriture du mot tabout dans sourate al-Baqara hein وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة le verset dans la sourate al-Baqara il y a eu une discussion au sujet du mot tabout comment ils doivent l'écrire est-ce qu'ils doivent l'écrire tabouh avec le T ta bouclé ou est-ce qu'ils doivent l'écrire avec le ta étendu. Il y a eu une discussion, puis ils sont allés voir Uthman radiyallahu anhu, il leur a dit écrivez tabout. Tabout, le coffre, le reliquaire où se trouvent les traces de l'héritage de la prophétie, les traces de la prophétie de Moussa alayhi salam et de Haroun, le bâton de Moïse et certains extraits de la Torah, un peu d'héritage de ces deux prophètes. Et il a dit, Uthman radiallahu anhu, écrivez Tabout, parce que c'est la langue de Quraysh. Et donc, ce récit ne pose aucun problème. C'est-à-dire, il leur a promis qu'il va corriger certains mots, il va les réécrire selon. Selon la langue de Quraysh comme a dit Suyuti فوعد بأنه سيقيمه على لسان Quraysh ثم وفى بذلك il a tenu sa promesse عند العرض والتقويم ولم يترك فيه شيء quand il lui a exposé les masahif il a commencé la correction et il a dit ولعل من روى تلك الآثار السابقة عنه حرفها il a dit peut-être que celui le rapporteur qui a rapporté ces textes là les textes précités savoir qu'il y a des erreurs et qu'on va laisser ça aux générations futures arabes qui vont le corriger il a dit celui peut-être qu'un des rapporteurs a falsifié le texte et où il n'a pas su retenir il n'a pas bien retenu ce qu'il a reçu de le récit comme il faut des chouyours hein D'accord. Et là, c'était bon. Ça, c'est à supposer que le texte, que ces riwayats sont authentiques. Mais d'après les savants du hadith, ces riwayats, comme le Bukhari, rahmallah, ces riwayats ne sont pas authentiques. Leurs chaînes sont interrompues. Il y a des lacunes dans leur chaîne. Donc, si, j'ai cité cette chouba parce que c'est la principale chouba que dont se prévalent les détracteurs de l'islam et les chiites. Hein. De toute façon, les choubahs ne se terminent jamais. Mais alhamdoulilah, il y a toujours les savants sont là pour réfuter ces choubahs une après l'autre. Bon, alors la graphie. Bon, nous avons dit que la graphie était sans système diacritique, vous savez, sans voyelle. Et ce fut le Tabi'i, Abu al-Aswad ad-Du'ali, qui introduisit les voyelles sous forme de points au début. Hein. Abu al-Aswad ad-Du'ali, il est mort vers 69 de l'Hégire. Il a connu les compagnons, il a rencontré les compagnons, il a étudié chez les compagnons. C'est lui qui est, on dit que c'est lui qui introduisit les voyelles sous forme de points au début. Hein. Ses élèves, Nasr ibn Asim, Yahya ibn Ya'mar, introduisirent le système diacritique sous forme de points. Le ta avec deux points dessus, le sa avec trois points. Hein. Et ils marquèrent ces points-là avec une encre différente pour les distinguer des points qui correspondent aux voyelles. Et ce fut Khalil Farahidi, plus tard, qui changea les points de l'Irabe, c'est-à-dire les points de l'Irabe, c'est-à-dire les voyelles, aux signes que nous connaissons aujourd'hui. La fatha, la kasra, la damma, le tanwin, la hamza aussi. C'est vrai que certains salafs étaient réticents vis-à-vis de ces ajouts. Il craignait que cela n'altère le texte, mais la communauté fut unanime par la suite pour apprécier ces améliorations-là, qui ne font d'ailleurs que traduire les qiraat et qui facilitent la tâche aux gens du commun. Il est préférable d'écrire le Coran avec une belle écriture, hein, claire, lisible, d'une manière digne du caractère sacré du Coran. De la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. La récitation du Coran, sa mémorisation, son écriture sont des manifestations de la révélation. Il faut vénérer le Coran même dans son écriture. De bien écrire le waw, le sad, les chouïours disaient faites le tanwir et non le ta'wir, c'est-à-dire qu'il ne faut pas aveugler l'œil du sad ou du waw. Faut pas noircir l'intérieur, le rang, vous voyez, le rang du waou, le sad, faut pas le noircir. Hein? Donc, une bonne écriture, faut faire une bonne écriture. On rapporte que qu'un des secrétaires de Amr ibn al-As a écrit une lettre à Omar ibn al-Khattab. Et il a écrit Bismillah, Bismi, il a écrit Bismi, le ba, et le signe, il n'a pas mis les dents. Le signe comme il faut, mais il a mis juste un trait. Ba, et puis à l'entrée, puis le mime. C'est-à-dire sans le signe vraiment. Et quand Omar reçut la lettre, il l'appela et il le frappa. Il frappa ce secrétaire-là. Et les gens disaient à ce secrétaire, pourquoi l'émir des croyants t'a frappé? Et il leur dit, c'est à cause de la lettre signe qu'il m'a frappé. Voilà ce qui est pour le chapitre de la graphie. Bon, voilà, nous avons terminé ce chapitre-là. Et nous avons en même temps terminé le grand chapitre sur les sciences relatives ou tadouin. Inch'Allah, la prochaine fois, bi'idhnillah, Inch'Allah, nous entamerons le chapitre sur le ta'wil, sur l'interprétation du Coran, le tafsir et sur l'éloquence coranique, etc. Inch'Allah. Voilà, Subhanakallahumma bihamdik, shadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.